بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل في قراءاتنا في هذا الكتاب. وما زلنا في مسائل تتعلق بما يحصل يوم القيامة بعد البعث. Nous sommes toujours dans les questions qui sont relatives aux événements qui se dérouleront après la mort, après la résurrection, liés au jugement. يقول في السؤال السابع عشر بعد المئة 117e question. كيف صفة العرض والحساب من الكتاب. Donc maintenant il dit de quelle façon se déroulera l'exposition et le rendu des comptes à travers l'épreuve du livre. Comment cela dans le livre a-t-il été décrit ? قَالَ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ce jour-là, vous serez exposé et rien ne sera caché. Tout ce que vous avez fait sera exposé. D'accord ? Il n'y a aucune chose qui sera la délaissée. الْحَاقَ verset 18. وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره. Et vous serez ils seront exposés à leur Seigneur en rang et vous nous viendrez tout comme nous vous avons créé la première fois. Donc chacun sera exposé à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Kahf, la caverne, verset 48. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ. Donc ça soit là, il dit. Et le jour du rassemblement, nous amènerons de chaque communauté des groupes parmi ceux qui démentaient nos versets. Et ils seront mis en rang. Jusqu'à ce qu'ils viennent, qu'ils se présentent, il dira, vous avez démenti mes versets dont vous n'avez embrassé d'aucune science. Par rapport à ce que vous faisiez, ce que vous avez accompli. Et de là, le jugement sera établi sur eux pour l'injustice dont ils ont fait preuve. Ils ne seront pas parlés, ils ne pourront pas parler à ce moment-là. C'est-à-dire que tout leur sera dit, vous avez telle chose, telle chose, telle chose, et à ce moment-là, ils ne seront pas parlés. Et à d'autres moments, ils parleront. Il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre les versets apparentes. D'accord ? Mais là, à ce moment-là, là, ils ne parleront pas. Juste, il leur sera démontré ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est les abeilles, ou plutôt les fourmis, versets 83 et 85. Encore l'état Allah. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Dans ce sens-là, il dit, et ce jour-là, les gens seront exposés en groupe afin que leurs actes leur soient exposés, leur soient démontrés. Celui, quiconque qui aura fait le poids d'un atome de bien, le verra. Et quiconque qui aura fait le poids d'un atome de mal, le verra. Chaque chose sera exposée. Al-Zalzala, versets 6 à 8. فَوَرَبِّكَ لَا نَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Il dit, ô par ton Seigneur, ils seront tous interrogés, tous, de ce dont ils ont œuvré en ce bas monde. Al-Hijr, verset 92 à 93. وقال تعالى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْبُولُونَ. Donc arrêtez-les, ils seront interrogés. Et deux parmi les versets qui sont très nombreux. Là, c'est sur la Safat, les rangées, verset 24. وَالْأَنْ يَقُولُ فِي السُّؤَالِ 18 بَعْدَ الْمِيَةِ 118e question. كَيْفَ صِفَةَ ذَلِكَ مِنِ السُّنَّةِ. Donc maintenant, comment cela se déroulera selon la sunna, l'épreuve de la sunna qui démontre cette situation. فيه أحاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. Donc les hadiths sont très nombreux qui parlent également de cette situation. Et parmi eux, la parole du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, celui qui sera débattu pour son compte sera châtié. D'accord ? Celui qui, pour qui il y aura eu un débat par rapport à ce qu'il aura accompli comme œuvre, celui-ci sera châtié. Et donc de là, Aïcha a été surprise car elle connaissait un verset qui allait dans un autre sens. Et elle dit, Allah n'a-t-il pas dit, et ils auront leur compte qui sera rendu de façon simple. Un compte léger. La fissure, verset 8. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est l'exposition. Car il y a deux choses, comme cela va venir, il y a l'exposition des actes, et il y a le débat des actes. Le croyant, lui, ses actes seront exposés. Quant au kafir, ses actes seront débattus. Comme dans le hadith qui vient, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, yuja'a bil kafir yawm al-qiyamah fa yuqalu lahu ara'aita law kana laka mil ard dhahaba kunta taftadi bi. Fa yaqul na'am, fa yuqalu qad su'ilta ma wa aysar min dhalika. وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلى الشرك. Il a dit que on amènera le kafir le jour de la résurrection, le jour des comptes. Le kafir sera, on va dire convoqué, mais bon, il sera ramené. Il lui sera dit, et si jamais on te donnait l'équivalent de la surface de la terre en or, est-ce que tu le vendrais pour pouvoir revenir sur terre? Il a dit oui. L'équivalent de la surface de la terre en or. Si tu as mis, tu possédais cela, est-ce que tu serais prêt à le dépenser pour revenir sur terre? Il a dit oui. Tu vois? Il a dit, et il sera dit, il t'a été demandé une chose moindre que cela. Et dans une version, il dit, c'est Allah Azza wa Jal qui dit, je t'ai demandé ce qui est moindre que cela. Alors que tu étais encore dans les reins de Adam, je t'ai demandé de ne rien m'associer. Mais toi, tu as refusé, si ce n'est de m'associer. Donc le kafir, ce jour-là, il dira qu'il sera prêt à donner tout ce qu'il peut pour tourner sur terre. Ce qui est une chose qui est difficile, à la base, que les gens dépensent de leurs biens. Et Allah Azza wa Jalla lui dira, je t'ai demandé moins que ça quand tu étais sur terre. Tu ne l'as pas fait. Dans le sens que, en vrai, tu vas rien faire du tout. Même tu aurais eu l'équivalent de l'or pour retourner sur terre, et faire être un croyant mouahid qui unifie Allah Azawajal, tu ne le feras pas. Ce n'est pas vrai, tu es un menteur en fait. D'ailleurs, il y a un verset dans le sens où Allah dit, plutôt en arabe, Walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun. Et si jamais on les ramenait, d'accord, c'est-à-dire à la vie, sur terre, ben ils recommenceraient ce qui leur était interdit, car ils sont des menteurs. Le kafir, yom al-qiyama, il pleurera et dira, je vais retourner sur terre pour me rattraper, pour me racheter. Allah sait que s'il retournait sur terre, il recommencerait son kufr. Allah, il sait qui il est et il sait ce qu'il ferait. Donc, son démenteur. Sur le moment, oui, il va reconnaître. Mais s'il retournait sur terre, il recommencerait son kufr et son shirk et son obstination. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَانٌ منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة أو تمرة عفوا ولو بكلمة طيبة. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم, il n'y aura aucun d'entre vous sans que Allah Azzawajal ne lui parlera. Yawm al-Qiyama, il n'y aura aucun interprète entre lui et entre eux. C'est-à-dire qu'Allah va lui parler de façon claire, d'un langage qu'il comprendra. Pas besoin d'intermédiaire, d'interprète ou de traducteur. Ça sera un kalem compris. Et il regardera à sa droite et il ne verra que ses actes. Ensuite, il regardera à sa gauche et il ne verra que ses actes. Et ensuite, il regardera devant lui et il ne verra que le feu devant lui. Que le feu de l'enfer devant lui. Donc là, le Nabi Sallam il a dit, alors craignez le feu, ne serait-ce que par un bout de date, ou alors par une bonne parole. Ça veut dire les moindres des actes, dès maintenant, sois soucieux de cela, d'agir dans le moindre bien que tu puisses faire, fais-le. Car il se peut que le Merkiyama, ce moindre bien, te rapporte énormément. Car demain, des actes simples qu'on aura délaissés, on les regrettera au Merkiyama en disant, subhanallah, tel jour j'ai pu faire ça, je l'ai pas fait. Et ça ne me coûtait rien de le faire. Juste de la paresse ou de, un peu d'avarice ou quoi. Et cet acte simple pourrait éviter un châtiment ou autre. Donc la religion incite à faire le moindre bien que tu puisses faire. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحقرن احدكم شيئا من الخير, que aucun d'entre vous ne méprise le moindre bien qu'il puisse faire. Le moindre bien que tu puisses faire, fais-le. Ne le néglige pas, ne dis pas si rien, ça ne me rapporte rien, si, ça peut te rapporter beaucoup, Yom al-Qiyama. Il y a un homme qui est rentré au paradis pour avoir retiré un obstacle du chemin des gens, des muslimines. Il y a une prostituée des fils d'Israël qui est rentrée au paradis pour avoir abreuvé un chien. Ce sont des actes qui sont simples à faire. Ils leur ont rapporté le paradis. Bien sûr, ces gens-là étaient des gens qui étaient des muwahidin, des gens qui adoraient Allah Azawajal, qui avaient le tawhid de base. D'accord? Ils avaient le tawhid de base. Mais ces actes-là ont été une chose, une grâce pour que Allah Azawajal également peut-être leur pardonne des fautes plus graves. Une prostituée, elle fornique en échange d'argent. Et pourtant, elle était pardonnée pour avoir donné à boire à un chien. Donc, ne rien négliger. Comme ne serait-ce qu'une bonne parole, ou un beau visage que l'on donne à son frère ou une sœur qui rencontre une sœur avec un visage épanoui. Bien sûr, pour les gens qui le méritent, bien évidemment. D'accord? Tout cela n'est pas à négliger. يقول قال الله صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمن من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعلمت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعلمت كذا وكذا فيقول نعم فيكرره ثم يقول إني سترتك عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم متفق عليه. Il dira que l'un d'entre vous se rapprochera, c'est-à-dire le croyant, de son Seigneur à tel point qu'il l'enlacera. Et ça, c'est parmi les sifat d'Allah Azzawajal. Le comment, on ne le sait pas. Mais il sera enlacé. C'est-à-dire, il sera seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui dira, tu as fait telle et telle chose. Le croyant dira, oui, j'ai fait ça. Il lui dira, tu as fait telle et telle et telle chose. Et le croyant dira, oui, j'ai fait cela. Comme on l'expliquait tout à l'heure, il ne sera pas débattu. Ça lui sera exposé, il ne fera que reconnaître. Ce sont les koufars qui, eux, tenteront de le démentir et tenteront de s'innocenter. Le croyant va tout reconnaître. Donc le croyant va tout reconnaître, va tout admettre, et de là, Allah Azawajal, il lui dira, je t'ai caché en ce bas monde, dans cette dunya, c'est-à-dire ces actes, ces péchés-là, personne ne les a vus, hormis moi, des péchés qu'on a fait en à part, c'est-à-dire à l'abri du regard des gens. Il dira, je t'ai caché en ce bas monde, et aujourd'hui je te les pardonne, ces péchés-là. Aujourd'hui, je te les pardonne. Combien de choses qu'on fait à l'égard des, à l'abri du regard des gens, mais qu'Allah Azawajal nous voit. D'accord, tout ce qu'on fait, Allah l'Arzangil le voit. Comme quand le Ta'ala, يستغفر من الناس ويستغفر من الله وهو معهم إذ يبيتون ما يرضون من القول وكان الله بما يعملون محيطا. Il se cache des gens, mais il ne se cache pas d'Allah Azawajal lorsqu'il prononce des paroles qui n'agréent pas et que Allah les sait de toutes parts. Donc vous savez que Allah Azawajal, il sait tout. Il sait ce qu'on va faire avant qu'on ne le fasse. Et il sait même ce qu'il y a dans notre cœur comme intention lorsqu'on fait cette chose-là. Donc le croyant à ce moment-là, il ne pourra que admettre et reconnaître. Et de Allah Azawajal lui pardonnera. Du moins pardonnera à qui il veut. Naam. Yaqul fi as-su'al 19 ba'd al-mi'ah. 119e question. Kayfa sifat nashr as-suhuf min al-kitab? Donc maintenant, comment auront lieu le déploiement des registres? Quelles en sont les preuves dans le livre qui décrivent cette situation, le registre dans lequel sont inscrits tous nos actes. Qala ta'ala wa kullu insanin arzamnahu ta'ira fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqa'u manshura ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Dans le sens où Allah dit que chaque être humain, nous lui avons mis seulement sa part, son sort accroché à son cou, et le jour de la résurrection nous le déploierons, nous sortirons un livre qui verra devant lui, voyez, ouvert. On lui dira, lis ton livre, et tu te suffis à toi-même aujourd'hui comme juge. C'est-à-dire, par toi-même, regarde ce que tu as fait et lis ce que tu as fait. Tu es prompt à te rendre des comptes toi-même maintenant. Al-Isra, voyage nocturne, versets 13 et 14. Encore la ta'ala, où ils essaieront de nous et lorsque les registres seront déployés. Et taqwir, verset 10. Encore la ta'ala, où vous dire al-kitab, fatara al-mujrimina mushfiqina mima fihi, wa yakouroun ya waylatana, ma aliyad al-kitabi, la yuradiru sahiratan wa la kabiratan ila ahsaha, wa wajadu ma amilu hadira, wa la yazlimu rabbuka ahada. Il a dit, le livre sera posé, le livre des actes, le registre, et tu verras les criminels qui seront, eux, anxieux et dans la détresse, à dire, mais pauvre de nous, qu'a donc ce livre à citer, à ne rien laisser de tout ce que nous avons fait, ni les moindres, ni les grands actes. Ce livre ne laisse rien, rien n'y échappe, tout ce que nous avons fait, il le montre. Ils démontrent tout ce qui a été fait. Et donc, ils verront leurs actes, leur seront présentés, et que ton Seigneur ne lésera personne. Personne ne sera lésé. Aucun acte ne sera inventé ou rajouté. Si ce n'est ceux qui ont fait du mal, et que le mal qu'ils ont fait à d'autres ne pourra être compensé, si ce n'est qu'en reprenant le mal que de leur victime. Allah Azzawajal prendra les hasanat des injustes pour les donner ou léser. Et lorsque l'injuste n'aura plus de hasanat à donner, on prendra des seiyyat du lésé pour les donner sur l'injuste. Et ça, c'est par justice. Pour que le mal soit rendu. Le mal soit payé. Et Allah Azzawajal, dans le Coran, a déjà averti. Et dans la Sunna, ça a déjà été averti. Et ça, c'est Surat Al-Kahf, verset 49. Famma man utiya kitabahu bi yamini, fayakulu ha'u mukra'u kitabiyah. Quant à celui dont le livre sort donné de la main droite, il dira, tiens, tenez, lisez mon livre. C'est-à-dire, il se réjouira, il sera soulagé. Ça, c'est Haqqa, verset 19. وفي آية الانشقاق فما من أوتي كتابه بيمينه وقال وما من أوتي كتابه وراء ظهره فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره ولعذ بالله عز وجل. Donc maintenant, par rapport au verset dans justement sur l'Al-Inshiqaq, quant à celui qui recevra son livre de sa main droite, et dans l'autre partie du verset, dans le sens où Allah dit, quant à celui qui recevra son livre de derrière son dos, cela prouve que celui qui aura son livre de sa main droite le recevra de devant lui en fait. Et celui qui recevra par sa gauche, ce livre lui viendra par derrière. Et ceux-là sont les gens de la perte. D'accord ? Ce sont les gens de la perte. يقول في السؤال العشرين بعد المئة 120e question. ما دليل ذلك من السنة؟ Donc maintenant, quelle en est la preuve dans la sunna de ce qu'on vient de citer à l'instant là. فيه أحاديث كثيرة. Beaucoup d'ahadiths qui en parlent. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيكرره بذنوبه فتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا يقول أعرفه ويقول ربي أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تتوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادي عليهم على رؤوس الأشهاد ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. Donc également, c'était le même hadith que tout à l'heure, parmi ces hadiths, celui où le croyant sera rapproché de son Seigneur et son Seigneur l'enlacera. D'accord ? Comme on l'a dit, c'est parmi les attributs d'Allah Azzawajal, dont le comment nous est ignoré. Et de là, il lui fera reconnaître ses péchés. Et le croyant, il reconnaîtra. Est-ce que tu reconnais tel péché ? Il dira oui. Il dira oui même deux fois. Et ensuite, Allah lui dira, je t'ai caché en ce bas monde, aujourd'hui je te les pardonne. Et ensuite, seront pliés les registres de ses bonnes actions. Quant aux autres, et les koufars, une voix s'écriera au loin, qui sera entendue par tous apparemment, d'accord, que les témoins diront cela sont ceux qui ont menti sur leur Seigneur. يبقى الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا ربهم. C'est-à-dire les gens qui témoigneront du mal que les koufars ils ont fait, des voix s'écrieront et diront, ces gens-là, ce sont des gens qui ont menti sur leur Seigneur. وقالت عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال يا عائشة أما عند الثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند التطاير تطاير الكتاب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا وحين يخرج عنق من النار. إلى عائشة dira أو رسول الله est-ce que les gens à ce moment-là se rappelleront de leur proches, des gens qu'ils aiment. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, durant trois situations, non. Au moment où il y aura la pesée des actes, ils ne se rappelleront pas. Au moment justement où les registres seront déployés, ils ne se rappelleront de personne. Et au moment où le feu apparaîtra également, ils ne se rappelleront de personne. Donc là, le shahid du hadith, c'est au moment où les registres seront déployés. Les actes qui contiennent, les livres à foine qui contiennent les actes de chacun. À ce moment-là, tu ne connaîtras personne. Il n'y aura que toi et toi et toi. Le moment sera tellement difficile et tellement effrayant. Comme dans le Mahshar, lorsque les gens seront nus, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, er'anu ahwan alay min. Lorsqu'il a dit que les gens seront nus et se regarderont les uns les autres, il a dit la chose sera plus terrible que cela au point que les gens ne penseront même pas se regarder les uns les autres nus. Fahada, que les gens ne penseront même pas à leurs proches à ce moment-là, tant ils seront angoissés et dans la peur de ce qui leur arrivera, comme ça. Naam. Wa nakhtalbi yad al-qadr wa subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.